On va parler de football canadien. David Ménard, natif de Chicoutimi, s'est trouvé du boulot après avoir été limogé au camp d'entraînement par les Lions de la Colombie-Britannique. Ben, il est de retour avec les Lions. Les Lions qui, ça va pas tellement bien, fiche d'une victoire et 8 défaites. On en parle avec David Ménard. Salut David. Salut, ça va bien. Ça va bien, David. Effectivement, d'abord, est-ce que tu as été surpris d'avoir été limogé au camp d'entraînement? Je me suis fait libérer 3 semaines avant le camp, en fait, quand ça a été le temps des derniers de diminuer le roster. En fond, c'est là que l'équipe m'a coupé. Je me suis même pas présenté au camp. OK, donc tu t'es pas présenté au camp. Est-ce que tu t'en attendais un petit peu? Rendu à ce point-là, non. Okay. Pendant l'hiver, j'avais un peu l'impression qu'il y avait quelque chose qui se ramait un petit peu. Mais plus la saison morte avançait, plus je me disais OK, bon, ça va être le statu quo, puis je vais retourner avec l'équipe. Mais ils ont décidé autrement juste avant le début du camp, en fait. Le fait que tu es un joueur canadien, ça a dû t'aider à pas perdre d'espoir quand même, là, parce que je sais que je t'ai écouté d'un podcast avec Didier Méjus de RDS il y a quelques semaines. Tu disais que tu te tenais en forme, mm-hmm. et ainsi de suite. Le fait que tu es un joueur canadien, quelque part, ça a dû te garder de l'espoir là-dedans? Ben, donner espoir. C'est sûr que dans la TFL, tous les Canadiens de talent ont une valeur supplémentaire. Mais oui. C'est pas ça qui me donnait plus espoir que d'autres choses. Là. OK. Est-ce que tu avais eu des entretiens avec d'autres formations après avoir été limogé par les Lions? Oui. OK. Parle-moi maintenant de qu'est-ce qui s'est passé finalement après. Les Lions qui ont une fiche d'une victoire et 8 défaites, c'est un petit peu plus difficile, c'est très difficile cette année. Est-ce qu'on peut qualifier ça de déception? Parce qu'il y avait quand même des belles attentes avec l'arrivée de Mike Riley à BC. Ben oui, c'est sûr. Écoute, je peux pas parler pour le reste de l'équipe, là, mais je pense que avec les moves qu'ils ont fait pendant la saison morte, pendant le free agency, je suis pas mal certain qu'ils s'attendaient pas à aboutir dans cette situation-là. OK. Est-ce que le départ de Wally Buono, le fait que l'équipe est à vente aussi, ça l'a lié? Je penserais pas, non. C'est sûr que c'est différent, mais dans la CFL, il y a tellement de changements souvent que je pense pas vraiment que ce soit un des facteurs, ben en fait, un facteur important dans les insuccès de l'équipe, en fait. OK, je regarde le classement actuellement. Vous êtes une victoire et une défaite. Ça va être quand même difficile parce que l'Ouest, c'est quand même très. Il y a beaucoup de parité. Les Bombers qui ont 7 victoires, 2 défaites. Edmonton, 6-3, 6-3. Saskatchewan également, Calgary. Ça va être quand même être difficile si ça fait de l'année. Hein? Je pense que oui. Les gars, ils n'ont pas abandonné, mais comme tu l'as dit, c'est sûr que ça va être difficile. OK. Ben, comment que c'est les instances à Colombie-Britannique? On sait que c'est dans les gros marchés, c'est difficile. Est-ce que ça se replace un peu? Qu'est-ce que tu veux dire? Les foules à BC, est-ce que c'est quand même pas si pire des circonstances? J'ai pas encore joué à domicile, donc je peux pas répondre à ta question. OK. Ben, David, gros merci. On va s'en reparler, tout au long de la saison. Super, merci beaucoup. David Ménard, des Lions de la Colombie-Britannique.